une seconde main vint saisir mon autre jambe, et je serais tombé le nez par terre si je ne m'étais retenu avec une force surnaturelle aux jambes de mon père. « Paul, qu'as-tu ? » me dit-il tout bas et avec terreur. « il me tire, mon père, sauvez-moi » lui répondis-je bas aussi. Mon père regarda à terre, vit les deux mains, il les saisit à son tour, et avec une force irrésistible, il tira violemment l'homme auquel appartenaient ses mains. Il amena un jeune sauvage qui lui fit des gestes suppliants et qui finit par se jeter à genoux. Il avait l'air doux et craintif. Mon père lui fit signe de regarder, leva sa hache et d'un seul coup abattit un arbre plus gros que le bras. Le sauvage regarda l'arbre, la hache, mon père, avec une surprise mêlée d'admiration. Il fit un bond, poussa un cri, baisa la main, toucha de cette main le pied de mon père, et s'élançant dans la direction de notre cabane, par le chemin que nous avions suivi pour nous cacher, il appela à grands cris ses compagnons. « Nous sommes découverts, » dit mon père, « il ne s'agit plus de se cacher. Il faut à présent nous montrer hardiment et leur imposer par notre attitude. » « Que neige, mon pauvre Normand ? Où s'est-il fourré ?» Le commandant se dirigea vers la salle, me tenant par la main. Il tenait sa hache de l'autre. Il entra dans la salle qui se remplissait de sauvages. À leur tête était le jeune garçon qui venait de nous quitter. « Arrière ! » cria le commandant de sa voix de tonnerre, en brandissant sa hache. Tous reculèrent. Le jeune sauvage approcha timidement, presque en rampant, baisa la main, toucha le pied du commandant et lui fit voir par geste que ses compagnons voudraient bien voir la hache couper un arbre. Le commandant choisit un jeune cocotier et l'abattit d'un coup. Les sauvages vinrent l'un après l'autre examiner l'arbre, toucher craintivement la hache. Ensuite, chacun, comme le jeune sauvage, baisait sa main et touchait le pied du commandant. Je n'avais plus peur. Je sentais l'empire que prenait sur eux cet homme si fort, si courageux, si résolu. Les sauvages se tenaient immobiles, le regardant avec curiosité et respect. Me tenant toujours par la main, il avança vers eux, leur fit signe avec sa hache de s'écarter pour nous laisser passer. Ils se retirèrent avec un effroi comique. « Suivez-moi !» leur dit-il de sa voix de commandement. Et il marcha, suivi de tous ses sauvages, jusqu'à ce qu'il fût sorti du bois. Là, il regarda autour de lui, et ne voyant pas le Normand, il cria « Mon brave Normand, nous sommes découverts. Montre-toi et viens à moi, car ton bras peut m'être utile. » Aucune réponse ne se fit entendre. Mais quelques minutes après, je vis le Normand sortir du bois. Il regarda les sauvages et dit au commandant « Mon commandant, je n'ai pas répondu parce que j'étais à plat ventre, dans les herbes, et je ne voulais pas que ces peaux-rouges puissent croire que je me cachais. » Je suis rentré dans le bois en rampant. J'ai commencé mon évolution dès que j'ai entendu votre arrière retentissant. Crois-tu que ce soit des mangeurs d'hommes ? Pour ça non, mon commandant. Ils n'en ont pas la mine. Je n'en ai jamais vu de cette espèce. Ils ont l'air doux. On dirait des agneaux. Eh bien, et qu'allons-nous faire à présent ? Quel est ton avis ? Comment, mon commandant, vous si résolu, et vous qui décidez comme qui dirait un éclair, vous me demandez un avis ? « C'est que je n'étais pas père, vois-tu ? » répondit le commandant en me caressant les cheveux. « Seul, je serais déjà leur chef, ils m'obéiraient. Mais ce que je ne crains pas pour moi, je le crains pour Paul. « Oh, mon père, m'écriai-je, en baisant ses mains, faites comme si je n'y étais pas. Je vous suivrai partout, ne songez pas à moi. Tu ne vois donc pas que je t'aime, Paul, que je veux faire pour le mieux, à cause de toi ?» Il réfléchit un instant. Son visage devint sévère. Il se retourna vers les sauvages, leur ordonna d'un geste impérieux de le suivre, et marchant en avant, me tenant par la main et suivi du Normand, il se dirigea vers la mer, où il apercevait de loin les canots des sauvages. Tout le long du chemin, lui et le Normand se faisaient un passage, en abattant avec leurs haches les herbes et les joncs piquants. À chaque coup de la hache, les sauvages se précipitaient pour voir ce qu'elle avait abattu. Ils entouraient le commandant qui ne daignait pas leur accorder un regard. Le Normand, lui, les éloignait en brandissant sa hache. Quand nous fûmes arrivés au bord de la mer, le commandant ordonna au Normand de se tenir prêt à monter avec lui dans un des plus grands canots. Il fit signe aux sauvages d'en amener un près du rivage. Ils obéirent, en approchèrent un. Le commandant y entra avec moi, suivi du Normand. Il fit signe de ramer et nous partîmes, ne sachant pas où nous allions. Le canot était grand, il pouvait contenir 10 à 12 personnes. Une foule de sauvages se précipitèrent pour y rentrer. Mais lorsque les 4 premiers y eurent grimpé, le commandant cria aux autres « Arrière !» et brandit sa hache. Les sauvages s'élancèrent tous dans l'eau et gagnèrent à la nage les autres canots, dans lesquels ils entrèrent et s'arrangèrent comme ils purent. Nos sauvages se mirent à ramer. Nous fûmes bientôt en pleine mer. Ils ramèrent longtemps. Il était nuit quand nous touchâmes à une terre. Je n'ai jamais su laquelle, ni le commandant non plus. « C'est vrai, » dit M. de Rosbourg. La tempête avait tellement fait dévier ma pauvre frégate que lorsqu'elle toucha, après avoir perdu tous ses mâts, je me trouvais dans une mer qui m'était tout à fait inconnue. Marguerite, « Alors, personne ne connaîtra jamais cette île, papa ?» M. de Rosbourg, « Peut-être, si j'y retourne, je la retrouverai. » Marguerite, « Oh, papa, vous n'irez plus jamais sur mer, je vous en prie !» M. de Rosbourg, souriant. « Nous verrons cela plus tard, chère petite. Écoutons Paul. Il se souvient bien, ma foi. Voyons s'il ira de même jusqu'au bout. » Paul. « Les sauvages voulaient me prendre dans leurs bras. Mais mon père les repoussa d'un air de commandement qui les effraya, car ils se culbutèrent les uns les autres et firent un grand cercle pour nous laisser passer. Le Normand, dit mon père, soyons prudents et ne nous engageons pas de nuit dans les terres. Trouvons un abri pour que Paul puisse dormir. Pendant que nous ferons la garde près de lui. Ils ont l'air de bons diables, mais il ne faut pas trop s'y fier. Le crocodile vous croque en deux bouchées, avec son air doux et sa voix de petit enfant. Méfions-nous. » Le commandant marcha avec moi et le Normand. Nous trouvâmes promptement un rocher creux. Il y faisait noir, comme dans un four. Il tira de sa poche une boîte d'allumettes, et à la grande frayeur des sauvages, il en alluma une. Ils firent tous une exclamation de surprise et d'effroi et reculèrent de quelques pas. Mon père entra dans la grotte formée par le rocher, l'éclaira et la voyant sèche et sans habitants dangereux, tels que serpents ou bêtes féroces, il m'y fit entrer et y entra lui-même avec le Normand après avoir fait signe aux sauvages qu'ils voulaient être seuls. Ils obéirent avec répugnance et ne s'éloignèrent pas beaucoup, en jugé par le bruit léger que nous entendions de temps à autre. Tantôt un chuchotement, tantôt un petit bruit de feuilles sèches, tantôt un sifflement étouffé, comme des gens qui s'appellent. Mon père me mit au fond de la grotte et s'assit par terre, à l'entrée, lui d'un côté, le Normand de l'autre. Je fus réveillé au petit jour par un bruit extraordinaire. J'ouvris les yeux et je vis mon père et le Normand debout à l'entrée de la grotte, leur hache à la main. Mon père se retourna vers moi d'un air inquiet au moment où je m'éveillais. Je sautai sur mes pieds, je courus à lui, j'avançai ma tête et je vis une multitude de sauvages qui se dirigeaient vers nous. Au milieu d'eux marchait un homme qui paraissait être leur chef ou leur roi. Tous les autres le traitaient avec respect, n'osant pas l'approcher de trop près et lui parlant la tête baissée. Quand il fut à 100 pas de nous, il dit quelques mots à 2 sauvages qui vinrent à nous et nous firent signe d'approcher du roi. « Allons, » dit mon père en souriant, « aussi bien nous avons besoin d'eux pour avoir de quoi manger et de quoi nous loger. » Je n'avais pas peur car je voyais près du roi 2 petits garçons à peu près de mon âge. Nous nous avançâmes. Les 2 petits garçons accoururent et tournèrent autour de moi en touchant ma veste, mon pantalon, mes pieds, mes mains. Ils faisaient de si drôles de mines et des gambades si étonnantes que je me mis à rire. Ils eurent l'air enchantés de me voir rire. Ils baisèrent leurs mains et me touchèrent les joues. Je leur en fis autant. Alors leur joie fut extrême. Ils coururent au roi, lui parlèrent avec volubilité, revinrent à moi en courant, et me prenant chacun par une main, ils m'entraînèrent vers lui. J'entendis mon pauvre père appeler d'une voix altérée « Paul, Paul, reviens !» Mais je ne pouvais plus revenir. Les petits sauvages m'entraînaient en répétant « Chian, Chian, Pundi !» Note. « Viens, viens vite !» Fin de note. Le roi me regarda, me toucha, puis il me prit dans ses bras, me toucha l'oreille de son oreille, me remit à terre et dit quelques mots à un sauvage. Celui-ci disparut et revint promptement, lui apportant deux petites lianes. Le roi en prit une, qu'il noua légèrement au bras d'un des petits garçons. Il en fit autant à l'autre, puis il attacha les bouts opposés à mes bras, à moi, de manière que je me trouvais attaché à chacun des petits sauvages, par le bras. Il semblait enchanté. Il faisait des gambades et des cris de joie qui me faisaient rire comme eux. Je sautais aussi pour leur tenir compagnie, et je me mis à chanter à tue-tête « Te souviens-tu, brave enfant de la France ?» etc. que chantaient souvent nos pauvres marins de la Sibylle. Aux premières paroles, les petits sauvages restèrent immobiles. Mais leur surprise et leur admiration fut partagée par le roi et ses sujets, quand mon père et le Normand m'accompagnèrent de leur belle voix retentissante. Quand nous eûmes fini, les sauvages, y compris les petits, tombèrent tous la face contre terre. Ils se relevèrent d'un bond, coururent au commandant et au Normand, auxquels ils donnèrent tous les témoignages d'amitié qu'ils purent imaginer. Ils cherchèrent à imiter nos chants, mais d'une manière si grotesque que nous rîmes tous à nous tenir les côtes. Ils paraissaient enchantés de nous voir rire. Ils riaient aussi et faisaient des gambades comiques. Sophie, pardonne-moi si je t'interromps, Paul, mais je voudrais savoir pourquoi on t'avait attaché au petit sauvage et si tu es resté longtemps ainsi. Paul. J'ai appris depuis, quand j'ai su leur langage, que c'était pour marquer l'affection qui devait me lier à mes nouveaux amis, et que nous devions à trois ne faire qu'un. Je n'osais pas défaire ces liens de peur de les fâcher, et en effet, j'ai su depuis que si je les avais défaits, c'eût été comme si nous leur déclarions la guerre. Mon père me dit, « Tant qu'ils ne te feront pas de mal, mon garçon, laisse-les faire, il ne faut pas risquer de les fâcher. » Nous avons besoin d'eux. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment l'air méchants. Le roi fit alors signe à mon père d'approcher. Un sauvage apporta un autre lien. Le chef en attacha un bout au bras de mon père et lui donna l'autre bout en touchant son oreille de la sienne. Mon père prit le lien et l'attacha au bras du roi, dont il toucha aussi l'oreille. Le roi parut transporté de joie ainsi que tous les sauvages, qui se mirent à pousser des hurlements d'allégresse et à faire autour de nous une ronde immense. Les petits sauvages dansaient, je dansais avec eux, le roi dansa, mon père sauta aussi, nous nous mîmes tous à rire. Ce rire gagna les sauvages et le roi. Le Normand gambadait tant qu'il pouvait. Monsieur de Rosbourg, riant. Je me souviens en effet de cette danse absurde. Malgré toute ma tristesse, je me trouvais si ridicule. Le pauvre Normand avait l'air si godiche, le roi avait l'air si bête, attaché à mon bras par ce lien et gambadant comme un gamin, que je fus pris d'un fou rire qui fut plus fort que moi. Je ris encore en y pensant. Paul, continuant. Ce fut mon père qui donna le signal du repos en s'arrêtant et criant « Halte là, assez pour aujourd'hui, sauvageon !» Sa voix domina le tumulte et tout le monde s'arrêta. J'avais faim, je le dis à mon père, qui fit signe au roi qu'il voulait manger. « Mounet tchak !» s'écria aussitôt le roi. « Priscaninet !» répondirent les sauvages, et ils se dispersèrent en courant. Ils revinrent bientôt, apportant des bananes, des fruits qui m'étaient inconnus, des noix de coco, du poisson séché. Nous mangeâmes de bon appétit. Les sauvages s'assirent par dizaines, formant de petits ronds. Le roi et les petits sauvages mangèrent seuls avec nous. Le roi, nous voyant tirer de nos poches des couteaux, regarda attentivement ce que nous en ferions. Quand il nous vit couper facilement et nettement les bananes, le poisson et d'autres mets, il témoigna une grande admiration. Mon père voulut lui faire essayer de couper une banane, mais il n'osa pas. Il retirait sa main avec effroi, et il regardait sans cesse les mains de mon père, celles du Normand et les miennes, s'étonnant qu'elles ne fussent pas coupées comme les fruits et le poisson. « Rigite, rigite !» répétait-il, ce qui veut dire « ça coupe ». Quand le repas fut fini, le roi se leva, marcha avec mon père attaché à son bras. Je suivais, entre les deux petits sauvages, mes amis. Le Normand venait ensuite. « Ne perds pas Paul des yeux !» lui avait dit mon père. Ma dignité me défend de me retourner trop souvent pour veiller sur lui, mais je te le confie, emboîte son pas et ne laisse pas les sauvages trop en approcher. « Soyez tranquille, mon commandant, » lui répondit le Normand. « Je considère cet enfant comme le vôtre, et dès lors, pas de danger, tant que j'ai l'œil sur lui. » Nous marchâmes longtemps. Les petits sauvages m'apprirent quelques mots de leur langage, que je parlais en peu de temps aussi bien qu'eux-mêmes. Il n'est pas très difficile, mais il leur manque une foule de mots. Nous leur apprîmes à notre tour le français, qu'ils prononçaient d'une manière très drôle, mais tout cela ne se passa que longtemps après. Nous arrivâmes enfin dans une espèce de village, formé de huttes basses, mais assez propre. Un ruisseau coulait tout le long du village. Chaque hutte était partagée en deux. Une partie servait aux chefs de famille et aux fils, l'autre aux femmes et aux enfants. Les garçons quittent la chambre des femmes à l'âge de 8 ans, et ils ont alors le droit d'aller à la chasse, d'apprendre à tirer de l'arc, à se servir d'une massue, à faire les flèches et les armes, à préparer les pots pour les vêtements des hommes, à bâtir des huttes et autres choses que ne peuvent faire les femmes. Quand nous fûmes arrivés, nous vîmes une grande agitation se manifester parmi les sauvages. Ils avaient l'air de délibérer pendant que les femmes et les enfants sortaient de leur hutte, nous entouraient, nous examinaient, nous touchaient. Mes deux amis ne laissèrent personne m'ennuyer de cet examen. Ils chassaient les importuns à coups de pied, à coups de poing. Je me mis de la partie, ce qui les fait rire aussi bien que les battus qui applaudissaient les premiers à mes coups. Après une longue délibération des hommes, le roi fit comprendre par signe à mon père que chaque hutte étant pleine, on lui en bâtirait une quand le soleil se lèverait une autre fois, c'est-à-dire le lendemain, et qu'en attendant, il nous donnerait sa propre hutte et coucherait lui-même dans celle d'un chef ami qui était en visite pour quelques jours. Ensuite, il coupa avec ses dents le milieu du lien qui l'attachait à mon père, délia le bout qui tenait au bras de mon père, le baisa et se l'attacha au cou. Mon père, à la grande joie du chef, fit de même pour l'autre bout. Les petits sauvages firent la même chose pour nos liens à nous, et j'imitai mon père en dénouant, baisant et attachant à mon cou les bouts noués à leurs bras. Je ne fus pas fâché de me sentir libre. « Paul, me dit mon père, tu peux sans danger rester avec tes amis. Moi, je vais avec le Normand couper du bois pour bâtir notre hutte. Je ne veux pas me faire servir par ces braves gens, comme si j'étais une femme. Viens, mon Normand, viens leur faire voir ce que peuvent faire nos haches au bout de nos bras. » Monsieur de Rosbourg, « Et voyez tout ce que peut faire l'éloquence de Paul. L'heure du coucher est passée depuis longtemps, et Marguerite a encore les yeux ouverts comme les écoutilles de ma pauvre frégate. Mais je crois qu'il serait bon de remettre la fin à demain. Qu'en dit la société ? » Madame de Rosbourg. « Oui, mon ami, vous avez raison. Le pauvre Paul est fatigué, ou doit l'être. À demain, la suite de cet intéressant récit. Allez vous coucher, mes enfants. » Monsieur de Rosbourg. « Et ne rêvez pas, sauvages et naufrages. » Marguerite fit ses adieux à sa maman et à tout le monde, puis elle revint vers son père et lui prit la main. « Monsieur de Rosbourg, et moi, ma petite Marguerite, tu ne m'embrasses pas ?» Marguerite, « Pas encore, papa, tout à l'heure. » Monsieur de Rosbourg, « Comment, tout à l'heure ? Est-ce que tu ne vas pas te coucher, comme tes amis ?» Marguerite, « Oui, papa, mais vous allez me monter, comme hier. Nous ferons notre prière, comme hier. » Et je m'endormirai comme hier en vous tenant les mains. » Monsieur de Rosbourg, attendri, ne lui répondit qu'en l'embrassant et en la prenant dans ses bras. Il assista, comme la veille, à son coucher, pria avec elle et, comme la veille, continua sa prière et son action de grâce près du lit de son enfant, endormi. De même que la veille, il essuya les larmes de bonheur et de reconnaissance qui avait coulé sur la petite main de cet enfant, si chère, qu'il retrouvait si bonne, si tendre et si charmante.